tout à fait ce qu'aurait dit Mirza si elle avait parlé. Mais c'est que ça commence à m'embêter, moi, toutes ces histoires. Et je filais pour 6 mois encore. Quand je revins, j'appris qu'elle était morte 3 semaines auparavant, après être venue au château tous les dimanches, toujours comme Mirza. L'enfant aussi était mort 8 jours après. Quant au mari, le madré coquin, bien il irritait. Ah, il a bien tourné depuis, paraît-il. Il est maintenant conseiller municipal. Puis Monsieur de Varnetto ajouta en riant. « C'est égal, c'est moi qui ai fait sa fortune à celui-là. » Et Monsieur Séjour, le vétérinaire, conclut gravement en portant à sa bouche un verre d'eau de vie. « Ah, tout ce que vous voudrez, mais des femmes comme ça, ah madame, il n'en faut pas. »